Dans la rue, tu es la reine. Le trottoir est ton domaine. Ton domaine, ton domaine, yeah. Ton domaine. Tu as quitté les bidonvilles pour la jungle des sombres villes. Des sombres, des villes, yeah. Sur le macadam des grandes cités, tu fais le plus de métier du monde, yeah. Africa Queen, tu es l'Africa Queen, reine de la nuit, reine de la nuit. Tu es l'Africa Queen, tu es l'Africa Queen, reine de la nuit, reine de la nuit. Les gens qui te boivent dans la rue n'ont que du mépris pour toi, pour toi. Mais ne ressens pas la détresse qui sommeille, sommeille en toi, en toi, en toi. J'aimerais tout arrêter, mais pas ton associé, associé.